une histoire particulière. Ce n'est pas parce que la paresse est le péché capital le mieux toléré, le moins grave en quelque sorte, qu'il faut en profiter. Hier, dans le premier épisode, nous avons étudié un phénomène qui touche aujourd'hui au Japon près d'un adolescent sur 100 et qui a tendance à se développer dans beaucoup de pays européens. Les hikikomori décident soudain de se couper du monde pour une durée indéterminée et de se murer dans leur chambre avec l'objectif de suivre le modèle d'une vie idéale, passée à ne rien faire. Après avoir été à la rencontre d'un de ces jeunes, Delphine Chaume et Thomas Beau nous emmènent voir si la paresse a de l'avenir dans le monde de l'entreprise. Il y en a toujours un par équipe pour moi, franchement. Et il est connu de tous. Une histoire particulière. Et tant qu'il produit, ça va bien. Cherchons homme-femme paresseux pour un poste de directeur. Un documentaire de Delphine Chaume réalisé par Thomas Beau. Une vie de paresse ? Ben, en fait, j'ai d'abord une formation de psychologue et de psychologue du travail. Et j'ai travaillé 10 ans à des fonctions RH. Et puis, Gwenaëlle Hamelin. Il y a eu un moment donné assez décisif où j'avais envie de changer. Et là, j'ai été appelée par des cabinets de recrutement pour avoir un poste avec de plus grandes responsabilités. Et puis, j'étais hyper contente parce que l'entreprise était à 15 mètres de chez moi dans la même rue. Et c'était un vendredi, le jour de l'entretien. Et donc j'ai téléphoné à la babysitter, Léa, je lui ai dit qu'elle pouvait avoir son après-midi, que j'irais chercher les enfants puisque j'avais un rendez-vous à 14h. Donc j'arrive, ça se passe très bien avec la RH, mais elle était complètement éclatée, elle m'a dit qu'elle s'en excusait parce qu'elle arrivait le matin de la Chine, etc., qu'elle n'avait pas dormi de la nuit. Bon, bref, l'entretien s'est bien passé, elle me dit « Oh, mais c'est super, ah mais on a une conf call organisée avec les États-Unis, ce serait bien que vous y participiez et tout ». Et là, de fil en aiguille, il est 20h, un vendredi soir. Moi, entre deux, je textote comme une malade pour supplier ma babysitter d'aller chercher les enfants à l'école alors que je lui avais dit qu'elle pouvait avoir son vendredi, bref. Et je me suis dit, mais finalement, j'ai deux choix. Continuer sur cette voie-là où on demandera toujours plus d'énergie et aussi d'implication, ou essayer d'identifier autre chose. Et alors là, j'avais pas la réponse de ce que c'était autre chose. Et je me suis dit, c'est le moment de renouer avec mes compétences initiales de psychologue et de parler de ces moments où on a besoin de sortir la tête de l'eau pour y voir plus clair et pour faire des choix stratégiques intéressants. Et voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Paresseux, feignant. Non mais t'as vu, il fait rien de ses journées. Et elle passe son temps à rêvasser pendant qu'on bosse. Les paresseux, c'est avec de la rancœur matinée d'envie qu'on les regarde, du coin de l'œil. Justement, regardons-les vraiment. Et si les paresseux, finalement, nous apportaient bien plus que ce que nous pouvons imaginer ? Bill Gates lui-même n'a-t-il pas dit que pour un travail difficile, il choisissait une personne paresseuse parce qu'elle trouverait un moyen facile de le faire ? Et si Gwenaëlle Hamelin, psychologue du travail, voue désormais sa vie à en démontrer les vertus, c'est peut-être pour de bonnes raisons. Je pense que je suis pas vraiment une paresseuse au sens traditionnel du terme, et peu de gens le sont aujourd'hui dans les sociétés modernes. L'énergie, ça ne se décrète pas. L'énergie, ça se puise dans le plaisir, dans l'envie, et ça, ce sont des valeurs qui s'apprennent pas, qui se décident pas, qui s'écoutent. Et pour ça, il faut une certaine paresse, et je pense que c'est ça que j'essaye aujourd'hui de vivre au quotidien, qui me guide, qui me donne de l'énergie à moi-même, et que j'essaye d'essaimer quand j'interviens en entreprise ou quand je le dis dans mes conférences. Accablé de paresse et de mélancolie, je rêve dans mon lit où je suis fagotée comme un lièvre sans eau qui dort dans un pâté ou comme un Don Quichotte en sa morne folie. Ah oui, bah le mot est clairement très péjoratif, négatif. Bruno, paresseux anonyme. Souvent, donc, dans les entreprises, il y a une évaluation annuelle et ça, clairement, ça sera mis de façon polie en point à développer. Mais clairement, c'est une faiblesse. Et en plus, je pense que c'est une faiblesse long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'épisodique, c'est plus un trait de comportement qui va être très, très difficile à effacer. Et par exemple, je n'ai jamais vu d'offre d'emploi où on mettrait comme qualité recherchée la paresse. Donc oui, c'est très clairement tabou dans les sociétés. Aujourd'hui, personne n'assume de dire qu'il accepte de se reposer, qu'il accepte de dire non. Et même si on n'est pas surmené, souvent on véhicule l'image de quelqu'un qui l'est parce que c'est mieux pour sa carrière. c'est toujours bon de dire qu'on a travaillé tard, qu'on a travaillé un peu le week-end. Et il y a une espèce de paradoxe entre est-ce que le fait de travailler trop, c'est subi ou choisi, et même dans le burn-out, il y a un petit peu cette dualité où à la fois, oui, il y avait un environnement qui poussait à travailler toujours plus jusqu'à quelque chose qui vous a fait exploser en vol, et en même temps, en soi, un certain plaisir à accepter ce challenge. Est-ce que je vois des paresseux ? Bien sûr que je vois des paresseux. Alors, soit je le vois, soit ils me le disent, soit ce sont les autres qui me le disent. Donc, il y a différentes manières de voir les salariés dits paresseux. Lisa, médecin du travail anonyme. J'interroge ces salariés sur ce qu'on leur demande de faire et comment ils le font. Hein. C'est l'un de... En tant que médecin du travail, je dois à la fois vérifier que le travail n'altère pas la santé. Et donc, effectivement, je peux voir ce qu'on appelle les salariés paresseux. Mais la paresse, c'est pas une entité, c'est pas une vérité vraie. C'est aussi, c'est très suggestif. Enfin, c'est très subjectif, pardon, plus que subjectif. C'est très subjectif. Et qualifier quelqu'un de paresseux en entreprise dépendra de qui regarde ce salarié. Est-ce que c'est lui qui se regarde ? Est-ce que c'est son collègue ? Est-ce que c'est son manager ? Est-ce que c'est son entreprise ? J'ai des salariés qui le disent, oui. Alors souvent, ceux qui le disent, ce sont des personnes qui ont des fonctions hautes, en fait, dans l'organigramme, qui vont vous dire, oh, vous savez, moi, docteur, je suis très paresseux, je fais travailler les autres. Et alors, ils le disent toujours avec humour, bien entendu, et avec parfois de l'ironie, mais parfois peut-être qu'ils le pensent. Alors, on peut aussi comparer la paresse à une économie de gestion, à une économie psychique, à une économie... Vous voyez, ça dépend vraiment d'où on se place. C'est une course contre la montre, alors chaque minute compte. Attendez, il n'y a que des paresseux ? Il y en a qui me disent aussi qu'ils ne font pas tout ce qu'on leur dit de faire. Alors, ça peut être de la résistance, ça peut être une économie psychique, comme je vous le disais. Ça peut être parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'on leur demande de faire aussi. Hein. C'est pas toujours de la paresse, c'est aussi le fait de pas pouvoir faire ce qu'on vous demande de faire, finalement. Sans être incompétent, hein, mais... Vous aviez dit que ce serait rapide ! Quoi ? Tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide ? Flash ! Flash ! Rapide comme une flèche ! Mon gars, je suis content de te voir. Content de... te voir... aussi. Hé, hey, Flash, j'aimerais te présenter mon ami. Chérie, j'ai oublié ton nom. Lieutenant Judy Hobbs, police de Zootopie, comment ça va ? Disons que je vais... bien ? Aussi bien que je puisse aller. Que... accroche-toi. Puis-je faire... Eh bien, j'espérais que vous puissiez... pour vous. Eh bien, j'espérais que... aujourd'hui. Alors... à la fois, on est dans quelque chose de cyclique parce que aujourd'hui, on parle beaucoup du burn-out, qui est une véritable réalité, mais qui existait déjà et qu'on appelait autrefois le surmenage. Sauf qu'on a oublié qu'on l'appelait autrefois le surmenage et que c'était déjà quelque chose qui existait. Mais il y a une différence néanmoins, c'est qu'aujourd'hui, on en parle et on prend conscience que c'est un phénomène menaçant contre lequel il faut lutter et il faut avoir des politiques de prévention, alors que jusqu'à présent, quand on parlait de surmenage, justement, il y a 30 ans de ça, c'était l'apanage du faible. C'est-à-dire qu'il y avait même des offres d'emploi où on disait que dans les qualités du candidat, il fallait avoir une résistance au stress importante. Aujourd'hui, personne ne s'autoriserait à marquer dans une offre d'emploi qu'il faudrait de la résistance au stress parce que ça véhiculerait une image de l'employeur et de l'entreprise qui ferait partir les meilleurs candidats. Et donc, à la fois... on parle de phénomènes qui ont toujours existé, mais en même temps, il y a une appétence sur ces sujets. Je pense qu'il peut ouvrir des brèches, même si aujourd'hui, le plus gros travail reste à faire dans l'évolution des mentalités. En tant que médecin du travail, je ne peux pas ignorer le burn-out, cette pathologie qui est apparue sur la scène de l'entreprise de manière assez brutale ces dernières années. De plus en plus de salariés semblent présenter ces signes et ces symptômes de burn-out. Et ceci, surtout depuis 2008 et depuis la fameuse crise des subprimes, il y a eu une restructuration des entreprises de manière, des grosses entreprises, hein, je vous parle des grosses entreprises, une restructuration assez forte du fonctionnement de ces entreprises-là qui a amené à demander plus de travail à moins de salariés finalement. La restructuration a fait qu'il y avait moins de salariés, mais la productivité, elle devait être la même, voire plus. Donc maintenant, ça fait 10 ans qu'on le voit vraiment fortement, qu'en tout cas les salariés l'expriment de manière forte, de manière quotidienne. Et je vois aussi par ailleurs la nouvelle génération arriver sur le marché du travail, la génération dite Y, qui elle redéfinit la manière de travailler. Les jeunes sont très centrés sur leur propre bien-être, avant toute chose. Ils sont capables de changer d'employeur pour un oui, pour un non, de changer d'activité, de changer de passion. Et donc, ils sauront défendre, on va dire, ces valeurs-là. Mais en même temps, on a une société qui est conçue autour de la productivité, qui génère des profits, et ça se décline aussi à des niveaux individuels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde va être coincé sur le fait qu'il aura envie d'avoir un appartement, un emprunt, une famille à nourrir. Mais il y a une prise de conscience de ce qu'on veut, je pense, qui est en train de se dessiner, et les gens veulent du bien-être avant toute chose. Et donc le bien-être, c'est s'autoriser à une certaine paresse. Et si on prend conscience que cette paresse, elle est aussi la condition sine qua non à un certain renouvellement des idées nécessaires à la productivité qu'on recherche, ben ça peut avancer dans le bon sens. C'est fou ce qu'un sofa me rend tout flagada, confortable et soyeux. Quand je le vois, je le veux, je suis le roi des paresseux. Elle se manifeste en se disant qu'on n'est jamais trop pressé, en fait. Donc, en fait, c'est toujours prendre du temps. Et donc, par rapport à ça, ne pas réagir dans la précipitation. Se dire que la journée n'ayant que 24 heures, autant bien les utiliser. Le travail, c'est important, mais il y a aussi plein d'autres choses importantes dans une journée. Donc, se dire il y a une part allouée au travail, il y a d'autres parts allouer à plein d'autres choses, y compris ne rien faire, parce que ne rien faire, c'est aussi très important, notamment parce qu'en ne faisant rien, je pense qu'après, on est plus efficace dans les moments ou dans les fonctions où on attend à ce que vous fassiez quelque chose. Donc c'est considérer le temps et à partir de là, jouer habilement avec le temps. J'ai peut-être eu toujours un peu cette tendance à prendre des distances, notamment par rapport à tout ce qui est règlement et autres, et se poser la question pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse ça. J'ai fait des études supérieures et autres avec des sélections et autres, donc oui, où il fallait beaucoup travailler. Mais même à l'époque, tout ce qui est classe prépa et tout, j'étais clairement pas dans ceux qui travaillaient le plus. Et ensuite, on va dire, c'est plus une fois que je suis rentré dans le monde de l'entreprise. Autant au début, pour le coup, j'étais très volontaire, je voulais tout faire, faire plein de choses, faire toujours le mieux, etc. Puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, ça apporte pas grand-chose. Ça peut même nuire à la qualité du travail. Ça fatigue, pour le coup. Donc c'est plus toujours mieux balancer, on va dire, l'équilibre travail actif et période dite de paresse, même si je trouve que le terme est tellement péjoratif que ce n'est pas forcément celui que je prendrais, mais pourquoi pas utiliser le mot paresseux. Donc aujourd'hui, j'estime que, en tout cas, je suis à un équilibre qui me satisfait pleinement. Depuis quelques années, de nombreuses études se penchent sur le comportement et les qualités des personnes paresseuses. En 2016, le professeur Hasegawa a mené une étude établissant un parallèle entre une colonie de fourmis et les salariés d'une entreprise. Entre 20 et 30% des fourmis ne font rien qui entre dans la catégorie travail. Et pourtant, elles sont particulièrement précieuses car elles disposent d'une réserve de force de travail qui leur permet de prendre le relais de façon plus productive encore que les travailleuses régulières. Surtout, si elles sont lentes lors des tâches quotidiennes, elles sont particulièrement réactives aux situations d'urgence. Et finalement, on en vient toujours à un certain sujet qui est le bon rythme à trouver entre rapidité et lenteur. Gwenaëlle Hamelin. Si vous êtes en temps constant, c'est-à-dire dans la répétition de ce qu'on a toujours fait, les plus productifs sont les plus rapides, ce sont ceux qui sont les plus à même à répéter comme on a toujours fait. Et les paresseux, ce sont ceux qui vont avoir une appétence à s'intéresser à d'autres choses. C'est-à-dire que le temps qui n'est pas alloué à la répétition du même mécanisme va leur permettre d'intégrer des détails que ne voient pas les autres, puisque la concentration, c'est un mécanisme d'inhibition. C'est-à-dire que quand vous êtes concentré sur quelque chose, vous ressentez moins les stimulations, par exemple lumineuses, sonores, thermiques, qui s'offrent à vous. Alors que ceux qui sont moins concentrés et donc moins productifs sont beaucoup plus à même de l'observer et de l'intégrer. Et dans les moments de changement, il y a un certain nombre de repères perturbants qui vont permettre à ceux qui avaient pris le temps d'intégrer d'autres choses que ne voyaient pas les productifs, de s'en saisir et de tenter de nouvelles façons de faire qui vont s'avérer productives et même souvent sauver le groupe. Et c'est vrai aussi en entreprise, c'est-à-dire que dans les moments de changement, on a besoin de tenter de nouvelles choses et on a besoin de voir des repères que ceux qui avaient été très productifs ne voient pas. Et c'est là qu'on rebat les cartes. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à trois près, ça aurait fait 1 million par semaine. On est en train de se faire un nom. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance ? Oui, la finance, c'est vendre, acheter... Non, ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff. De la poudre aux yeux. Dans la conférence que j'ai faite sur les paresseux, je prends une image forte qui est celle du loup de Wall Street. Avec moi. C'est un film avec DiCaprio que beaucoup de gens ont vu, où on voit quelqu'un qui prend de plus en plus de risques et qui se retrouve coincé dans un espèce d'engrenage fou qui le mène jusqu'à sa perte, où il fait toujours plus de la même chose. Et en fait, ce sont les mécanismes du joueur. Le cortisol, c'est une hormone qui est naturellement sécrétée par les sportifs, on va dire, au long cours. Par exemple, quand vous faites le Tour de France, quand vous êtes un cycliste de haut niveau, eh bien, il y a un moment où le corps vous dit stop, parce que il n'est pas constitué pour aller si loin dans cette utilisation musculaire, etc. Et donc, l'adrénaline va céder la place au cortisol, où là, bah, finalement, on va inhiber beaucoup de processus pour permettre cet effort continu là où le corps aurait dit stop. Et on n'entend plus son corps qui vous dit stop, on n'entend plus ces systèmes de pensée qui vous disent stop pour vous permettre de continuer. On pense plus, on est juste à continuer et à faire toujours plus de la même chose. Mais le cortisol, c'est bon pour le vélo, c'est très mauvais au bureau. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est aussi un inhibiteur de tout ce qui est modérateur. Et donc, je vais plus me modérer et je vais aller toujours un cran plus loin dans ce que j'ai toujours fait. Et il y a eu des dosages, des expériences qui ont été faites sur les dosages en termes de cortisol chez les agresseurs sexuels et aussi chez les cols blancs, quand on a des phénomènes de pré-burnout. Et à chaque fois, il y a un dosage d'hypercortisolémie qui est très fort. Et donc, c'est intéressant de voir que le cortisol, ça permet certes de prolonger finalement l'effort au-delà de ses limites, mais que ça a un pendant qui est qu'on ne voit plus la prise de risque que ça représente, tant intellectuellement que physiquement. Dis, t'exagères. Il travaille vaguement, là. Vaguement, vaguement. Oui, je travaille, et je laisse filer le temps. Fou, on est passé à ça des heures supplémentaires, là. Ne rien faire est aussi une vraie activité. Rêver, vraiment ne rien faire, se vider la tête. Alors, faire du yoga pour ceux qui veulent faire quelque chose d'actif en ne faisant rien, mais voilà. Mais par rapport à tout ça, ça vous permet de faire plein de choses. Bah, notamment de voir des gens, de continuer à avoir des amis, de se faire des nouveaux amis, de planifier des dîners, de rendre visite à des gens, de faire des week-ends chez des amis le week-end. Et quand vous entretenez ces relations sociales, bah, l'avantage, c'est qu'on va vous demander plus souvent de sortir et ça tombe bien, vous êtes disponible pour sortir plus souvent. Donc là, vous êtes à l'inverse du cercle vicieux, vous êtes dans un cercle vertueux. Et en faisant plein d'autres choses, je pense que ça vous permet aussi de rester très concentré sur la partie active de votre travail. Ça vous permet, pour le coup, d'être dédié de façon efficace sur le travail quotidien. En période de crise, c'est plus compliqué, parce que là, on va vous demander un excès de travail sur votre partie de vie professionnelle. Et alors là, ce qui compte, c'est de prioriser. Parce que je pense que pareil, un paresseux, c'est quelqu'un qui veut être efficace, mais c'est quelqu'un qui sait gérer les priorités. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas se perdre dans les détails, qui est capable d'identifier ce qui compte vraiment, ou en tout cas qui va mettre des poids différents aux choses. Et par rapport à cette vision pondérée de ce qu'il y a à faire, bah, va se concentrer sur là où il voit le plus de choses importantes à faire. Quitte à vraiment abandonner des sujets qu'il n'estime pas pertinents. A contrario, moi, pareil, dans une autre expérience professionnelle, j'ai eu quelqu'un qui m'encadrait, quelqu'un qui ne savait pas gérer ses priorités, donc qui, en fait, faisait tout et n'importe quoi. Là, il n'y avait vraiment aucune limite, en fait. Puisque c'est aussi ça, aussi, le drame du travail, c'est qu'il n'y a jamais de limite. C'est très facile de dire « on peut toujours faire mieux ». Bah oui, on peut aussi toujours faire mieux, mais à quel coût ? Et donc cette personne qui ne savait pas gérer cette priorité, mais en fait attendait de notre part et de l'équipe qu'on soit disponible 24 heures sur 24, week-end compris. Ça voulait dire travailler le week-end, recevoir des appels à 22h30 le samedi pour venir travailler le dimanche, etc. Bon, par définition, ça s'est mal fini. Donc ça s'est mal fini pour l'équipe, ça s'est mal fini pour la personne, ça s'est mal fini pour le travail à faire qui, par définition, n'a jamais été réalisé. Et donc, quelque part, il y avait quand même toutes les clés pour que ça soit un échec grandiose. Paupière 1, ok. Paupière 2, oui, c'est bon maintenant. Gaston, je suis venu vous apporter quelques courriers à classer. Et sans doute est-ce une vaine entreprise, car si l'on scrute attentivement cet œil expressif, on peut être certain d'entendre des ronflements dans pile 24 secondes. Le problème, Prunel, le problème, c'est qu'ici, au journal, vous ne m'avez jamais compris. On dit que je dors, d'accord, mais c'est pour mieux me concentrer, car vois-tu, ça continue à travailler ici, dedans. Et quand je me réveille, je pète la forme du tonnerre. Toutes mes trouvailles et mes meilleures idées me viennent comme ça. Suffit que je dorme. 10 minutes, j'ouvre l'œil et bouf! Oh, une idée, je me prête à l'expérience quand tu veux. Je vais tuer un porc et je reviens. Les vertus, c'est de laisser les idées comme ça affleurer. Ces temps de paresse, c'est des temps de... Lisa, médecin du travail anonyme. De créativité, finalement. Ce sont des temps où des idées vont apparaître, où on ne va pas être contraint dans un créneau horaire, dans un mode de travail. On va laisser la personnalité de ce salarié émerger. Et ce sont des moments, je pense, de créativité, des moments où on passe comme ça d'une idée à une autre, qui ne semblent pas avoir de lien les unes avec les autres. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que souvent, on demande en entretien d'embauche, on vous demande quelles sont vos qualités. Alors, on attend des compétences qui sont liées directement au métier, quel que soit le métier. Mais on attend aussi que vous disiez que vous êtes à la fois créatif, force de proposition, etc. Et à quel moment on laisse la personne réfléchir et pouvoir créer ses propositions, créer toutes ses nouvelles idées? S'il est toujours devant son ordinateur à taper ou en réunion à diriger ses équipes, etc. Donc, c'est une demande qui est paradoxale à l'embauche. On le demande à l'embauche, est-ce qu'on soit l'un et l'autre? Et en même temps, c'est pas prescrit, finalement. Ça n'est pas programmé dans le travail. Quand vous dites paresseux, ça ne se fait pas. Si vous dites je suis en créativité, ça passe déjà un petit peu mieux. C'est le fameux eureka. Le eureka, c'est dans des moments dits de paresse. Hein. Le eureka, c'est pas, vous n'êtes pas assis à votre table à griffonner vos équations. C'est pas ça, le eureka. C'est... Pensez à autre chose et vous prenez un bain et vous dites « Mais bien sûr, bon sang, bon Dieu, c'est ça. » Eureka, c'est dans des moments de paresse. Et c'est important, Eureka. Oh, la bonne idée. Voilà, c'est bien plus confortable avec un coussin. Bruno, paresseux anonyme. C'est très clairement problématique parce que c'est pas le comportement habituel dans une entreprise. Donc on va dire qu'au sein de votre équipe, vous allez peut-être avoir quelques personnes qui vont avoir ce type de comportement et la majorité des autres personnes qui vont être là, qui vont s'activer toute la journée, vont toujours vouloir faire plus, vont dépasser les horaires, vont rester même quand la porte principale de la société est fermée, etc. Et donc, moi, n'ayant pas changé ma façon de travailler, c'est vrai que ça n'a pas été bien perçu. Et je pense que ça crée une distance entre moi et les équipes que j'ai eu à gérer. Parce que c'est pas évident à comprendre. Et c'est un sujet tabou en entreprise. Donc on peut pas expliquer directement, même au sein de son équipe. Ça serait tout de suite parler de choses personnelles. Or, a priori, on parle pas de choses personnelles dans le monde de l'entreprise. Et donc de sujets comme ça. Donc c'est un discours qui est quand même mal perçu dans le monde de l'entreprise. Légitimement parlant, on peut comprendre que ça soit mal perçu. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que les personnes qu'on encadre dans ce cadre quand on a ce type de comportement, en fait, saisissent pas la chance de dire, je pourrais essayer aussi autre chose. C'est-à-dire, moi, de mon côté, par exemple, j'ai déjà beaucoup travaillé en travaillant aussi le week-end, etc. Donc, je sais ce que c'est de beaucoup travailler et donc de ne pas être qualifié de paresseux. Des gens qui travaillent beaucoup et qui veulent toujours être pris et qui veulent toujours répondre aux emails, aux messages, même hors des plages normales de travail, etc., pourraient peut-être aussi essayer l'autre façon de travailler et trouver aussi des avantages à ce type de comportement. évidemment que c'est une histoire d'image. Et c'est une épidémie, j'allais dire, même dans une équipe ou dans une entreprise, parce que vous devez être celui qui partait le dernier et pas le premier. Vous connaissez la fameuse blague de « Ah, bah, t'as pris une demi-RTT ou une RTT si vous partez à 18h30 », alors que bon, il est 18h30, ok. C'est peut-être plutôt que les autres qui partent à 20h, mais il faut savoir ce que font les autres de 18h30 à 20h. Le présentéisme est une pathologie de l'entreprise en France. Et finalement, c'est du présentéisme, ça n'est pas toujours de la productivité. Il faut qu'on le sache. C'est bien dommage d'ailleurs qu'on confonde les deux. Parce que autant que le salarié s'en aille à 18h30 et aille vaquer à ses occupations de vie privée... Et on sait bien que l'équilibre vie privée-vie professionnelle, lorsqu'il est bon, permet d'avoir un bon salarié et avec une productivité et des compétences qui sont meilleures. Et effectivement, dans l'image de l'entreprise, il y a le présentéisme d'un côté et la paresse de l'autre, effectivement. Mais c'est quelque chose qui devrait diminuer, cette opposition qu'on met comme ça. Et je pense que la génération Y va permettre qu'on enlève ça. C'est pas gagné. Aujourd'hui, on dit j'accepte d'avoir des gens qui travaillent différemment parce que je mets un baby-foot ou des toboggans dans mon lieu de travail. Mais en revanche, certes, il y a des smoothies qui sont gratuits et qui sont distribués, mais en même temps, c'est pour masquer le fait que on va faire livrer des sushis après 20h parce qu'on va devoir travailler après 20h. Tout est poison selon monsieur Paracels qui était là au 15e siècle, qui disait que tout était poison et que rien n'existe sans poison non plus, et que tout est une question de dose. Et en fait, effectivement, que ce soit la productivité ou la paresse, c'est une question de dose. Il faut pas être hyper productif tout le temps, à tout moment et à 100%, parce que de toute façon, là, on ne peut pas, notre organisme ne peut pas supporter cela. Enfin, l'organisme lui-même, dans son fonctionnement interne, vit dans une économie, pas dans une paresse, mais dans une économie. Lorsqu'il peut, lorsqu'il doit choisir entre deux procédés, il va toujours utiliser le procédé qui est le plus économique. C'est un refus qui se veut être tranquille, mais des fois, il faut savoir être plus pugnace que la dite tranquillité, quoi. Parce que, à nouveau, ce qui compte, c'est d'envoyer de montrer son refus ou son opposition à certaines choses très tôt. Parce que dans ce cas-là, le problème, et qui est légitime, c'est que si vous commencez à donner des choses, après, on vous accusera de plus vouloir donner ces choses-là, puisque vous l'avez déjà fait. Et donc là, vous êtes dans un cercle vicieux, puisque vous n'êtes plus légitime pour refuser ce qu'on vous a déjà demandé de faire. Donc la tranquillité, oui, au quotidien, mais en tout cas pour continuer à entretenir son territoire et continuer à travailler de cette façon, des fois, il faut savoir quand même monter au créneau. Et ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire que moi, quand on m'avait dit « toi, tu peux dire non », ça veut dire que moi aussi, j'étais monté au créneau. Maintenant, être paresseux, ça ne veut pas forcément dire non plus vouloir convaincre tout le monde d'adopter ce type de comportement, sachant qu'en plus, il y a des gens qui littéralement ne sont pas capables d'adopter ce genre de comportement. C'est impossible pour eux, quoi. Être paresseux, c'est peut-être aussi, la paresse, ça va peut-être aussi avec une certaine discrétion. Comme le sujet est très tabou, je pense qu'il faut mieux être discret quand on est paresseux. Donc voilà, ça va avec une certaine discrétion. Ouais. On l'a en nous, il faut juste ne pas l'inhiber tout le temps. Et si on l'a inhibé tout le temps depuis 20 ans, on ne peut pas entendre des signes de « là, il faut peut-être te laisser un petit peu... voilà, tu laisses un peu... tu vagabondes, tu réfléchis, tu lis un article qui n'a rien à voir avec le boulot, mais qui va peut-être t'apporter des idées. Ou pas. Une histoire particulière. Cherchons homme-femme paresseux pour un poste de directeur. Un documentaire de Delphine Chaume réalisé par Thomas Beau. Prise de son, Olivia Branger. Mixage, Éric Boissé. Gwenaëlle Hamelin, psychologue du travail. Lisa, médecin du travail anonyme. Bruno, paresseux anonyme. Une histoire particulière, c'est fini. Demain, lundi et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Kronlund dans Les Pieds sur Terre pour d'autres récits et d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain. Nous retournerons sur les bancs du lycée, mais c'est une autre histoire.